Marco Douiman. Bonsoir à vous tous et bienvenue à ce journal, la dernière édition de cette soirée du 1er juin 2019. En voici les grandes articulations. Le Frodebout a fêté ses 26 ans de victoire électorale, c'était en 1993. Les leaders de ce parti regrettent aujourd'hui que la démocratie pour laquelle ils ont combattu peine à s'implanter effectivement dans le pays. Reportage à suivre dans ce journal. Et le pouvoir d'achat des habitants de la commune Cavarore en province Kayanza augmente grâce à l'exploitation des minerais comme le coltan et la cassitérite. Mais le gouverneur de cette province note toujours la persistance de la fraude faite par des femmes qui feignent d'être enceintes. Et certains députés manifestent leur inquiétude quant à l'utilisation des fonds alloués au fonds de développement communal FONIC qui sont passés de 500 millions à 770 millions de francs burundais dans le nouveau projet de loi budgétaire. Le député Terence Mwandira Mbona s'inquiète qu'il n'y a jamais eu un rapport qui montre comment cet argent est géré. Et le ministre des Finances, Domitien Ndihokoubgayo, reconnaît que la gestion de ces fonds peut être entachée d'irrégularités. Et après ce journal, Mireille Kanyangé me rejoindra pour la revue de presse. Bonsoir. Certains députés manifestent leur inquiétude quant à l'utilisation des fonds alloués au fonds de développement communal FONIC. Dans le nouveau projet de loi budgétaire, ces fonds sont passés de 500 millions à 570 millions de francs burundais. Mais le député Mwandira Mbona Terence s'inquiète qu'il n'y a jamais eu un rapport qui montre comment cet argent est géré. Quant au député Fabien Ventiliano, il dit que le FONIC ne devrait non plus être géré par le ministère de l'Intérieur. Suivez ces élus du peuple qui se sont exprimés lors de l'analyse du projet de loi budgétaire. C'était ce jeudi. Les fonds de développement communaux ont été revus à la hausse. Ils viennent de passer de 500 millions à 570 millions. Mais jusqu'ici, leur gestion est opaque. La Cour des comptes l'affirme aussi. De plus, on ne comprend pas pourquoi le FONIC est géré par le ministère de l'Intérieur. S'il était placé ailleurs, peut-être que la gestion de ces fonds se ferait plus dans la transparence. Oui, ces fonds ont été revus à la hausse, comme le souhaite le gouvernement. Mais la Cour des comptes, elle aussi, a dit que ça fait 3 ans qu'aucun rapport n'a été produit sur leur gestion. Comment expliquer cela? Le ministre des Finances, Domitien Ndihokoubgayo, reconnaît que la gestion de ces fonds peut être entachée d'irrégularités, mais pour lui, ces fonds contribuent au développement des communes. Le ministre des Finances indique aussi que s'il s'avère nécessaire, le FONIC pourrait être géré ailleurs, mais jusque-là, il souligne que le fait qu'il soit placé au ministère de l'Intérieur, cela ne cause pas de problème. Vous souhaitez que le FONIC ne soit pas géré par le ministère de l'Intérieur? C'est votre avis et signalons que ceux qui suivent de près cette question sont en train d'analyser ce qu'il faut faire pour améliorer les prestations du FONIC. Mais jusqu'ici, cela ne cause pas de problème. Concernant la transparence dans la gestion de ces fonds, oui, il y a eu des irrégularités, mais cela ne traduit pas qu'on peut arrêter de financer les communes. En tout cas, certaines communes ont déjà réalisé des projets louables. Le ministre des Finances, Domitien Ndihokoubgayo. Le parti Sawanya Frodebout se dit préoccupé par le chômage qui prévaut au Burundi en général et au sein de la jeunesse en particulier. Déclaration de Pierre Claver Nahimana, président de ce parti, dans une conférence de presse tenue ce samedi à l'occasion de la célébration du 26e anniversaire de la victoire historique du Frodebout. C'était en 1993. Pierre Claver Nahimana regrette malheureusement que la démocratie prônée par son parti a toujours connu des difficultés à pouvoir s'implanter au Burundi. Reportage, Aimé Richard Niyonguru. Remettre la parole aux citoyens était le thème central d'une conférence de presse tenue ce samedi 1er juin par le parti Sawanya Frodebout à l'occasion de son 26e anniversaire de sa victoire présidentielle de 1993. Pierre Claver Nahimana, le président de son parti, a fait savoir que les grands projets de société pour les élections prochaines de 2020 s'articulent sur 10 points essentiels, à commencer par le plan politique. Nous avons rappelé aussi que avant 1993, il y avait cette armée, cette gendarmerie qui était très sensible, qui était un outil pour un seul secteur politique. C'était une armée, une police mono-ethnique. Et les autres ajoutaient, c'était une gendarmerie régional. Ce n'était pas une force de défense de sécurité comme on le sait maintenant. Le plan juridique qui semble avoir perdu la saveur, d'après le président du parti Sawania Frodebou, ne sera pas oublié, surtout que ce parti se penchera à remettre la parole aux citoyens, tant urbains que ruraux. Mais au sein du parti Sawania Frodebou, nous disons, nous enseignons les programmes, nous enseignons Imigambi, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer le Burundi, et nous allons demander que la population suive cela, et non pas des personnes. Néanmoins, à la célébration du 26e anniversaire de la victoire du parti Sawania Frodebou, les défis n'ont pas manqué pour pouvoir asseoir la démocratie tant attendue, comme le témoigne Pierre Claver Nahimana, le patron de ce parti. Nous ne sommes pas au pouvoir, cela a changé. Le Frodebou n'est pas au pouvoir. Un parti qui n'est pas au pouvoir ne peut pas être considéré comme un parti qui est au pouvoir. Donc là, il y a une forte différence. On n'est pas au pouvoir et tout ce que ça implique. Un parti au pouvoir, il a les moyens, il a beaucoup de choses dans ses mains, il peut prendre des décisions. Mais un parti qui n'est pas au pouvoir ne peut prendre certaines décisions importantes pour la nation. C'est là la différence. Mais sinon, les idéaux restent les mêmes. Ce 1er juin 2019 a été la raison de célébration du 26e anniversaire au sein du parti Sawania Frodebou. Après la victoire des présidentielles de 1993, lorsque Ndadaye Melchior, qui était le candidat de ce parti, gagna les élections à 64,79% des suffrages contre 32,47% de son adversaire, candidat du parti UPRONA. Aimé Richard Niyonkuru, 1% de femmes est fumeur au Burundi et 11% le sont pour les hommes. Déclaration de la directrice AI du programme de lutte contre les maladies chroniques au Burundi. Docteur Kamana Janine indique que le tabac est un facteur de risque pour diverses maladies, dont les maladies respiratoires et le cancer. Selon elle, il est possible d'arrêter de fumer. Et c'est au moment où, le 31 mai, le monde célèbre la journée anti-tabac qui sera célébrée au Burundi le 7 juin dans la province de Cibitoke. Suivez Dr Kamana Janine au téléphone avec Placide Niyomwongere. Selon l'enquête démographique de santé, troisième génération, le tabagisme montre qu'il y a une grande ampleur au niveau national, où nous avons 1% des femmes qui fument et 11% des hommes qui fument. Parmi les provinces où on notifie beaucoup de femmes qui fument, il y a la province Karoo aussi, avec 6% des femmes fumeurs, et la province Muyinga avec 19% pour les hommes. Pourquoi les Burundi fume toujours alors qu'il y avait un programme de lutte contre ce tabagisme? Le facteur majeur est l'ignorance des méfaits du tabac. C'est un facteur de risque de plusieurs maladies chroniques non transmissibles, notamment les cancers des poumons, les cancers de l'œsophage, de la larynx, également les maladies respiratoires chroniques obstructives, notamment l'asthme. Également, c'est un facteur de risque pour le diabète, l'accident vasculaire cérébral. Également, le tabac est un facteur de risque d'un tiers de cancer qu'on notifie dans le monde. Est-il possible de traiter les maladies dues au tabagisme? Les maladies dues au tabagisme sont de plusieurs sortes, mais il est possible de les traiter si c'est diagnostiqué à temps. Également, il est possible d'arrêter de fumer. Si les personnes qui fument contactent les agents de santé, également les psychologues ou les sociologues, on peut les aider à arrêter de fumer. Nouvelle de province à présent, le pouvoir d'achat des habitants de la commune Kabarore en province Kayanza, où sont exploités le coltan et la cassitérite, va augmentant. Une situation résultant d'une bonne production elle-même due à la lutte contre la fraude. Le gouverneur de la province Kayanza qui souligne cependant que des cas de fraude de petite quantité sont enregistrés et sont faits par des femmes qui feignent d'être enceintes. Cette autorité provinciale souligne en outre que l'environnement est protégé sur les sites d'exploitation. Suivez le gouverneur de la province Kayanza, Anissé Ndaizeye, au micro de Mireille Kanyang. Il y a quand même quelques cas, disons sporadiques, que nous avons ratés dans la commune de Kabarore. Des femmes qui sont la plupart des femmes rwandaises, mais mariées à des Burundais qui vont rendre visite à leurs parents avec quelques kilos sous la pagne, comme si elles sont enceintes. Et parfois, on trouve qu'elles ont mis 1 kilo, 2 kilos et on les attrape. On a mené une réunion. On a interdit d'abord à ces femmes de se rendre au Rwanda sans autorisation des administratifs à la base. Et on a lutté efficacement contre la fraude, mais on ne peut pas dire que la fraude est terminée. Et nous continuons à veiller. Et c'est pourquoi nous remarquons qu'actuellement, on attrape quelques fraudeurs, mais avec de très petites quantités, 1 kilo, 2 kilos, 500 grammes. Et on voit que quand même, il n'y a pas une grande fraude comme avant. Par exemple, en 2017, on avait attrapé 15 personnes, dont 12 Rwandais, qui avaient pris d'une tonne de coca. Vous comprenez que maintenant, on attrape les gens avec 1 kilo, 2 kilos. Est-ce que vous parvenez à protéger l'environnement sur les sites d'exploitation? Vous vous rappellerez que le Conseil national de sécurité a arrêté momentanément l'exploitation des mines et carrières pendant quelques mois. Et c'était pour voir comment, effectivement, l'exploitation de ces mines ne sont pas anarchiques. Et c'était aussi des préoccupations liées à l'environnement. Pour avoir l'autorisation de travailler encore une fois, les coopératives et les sociétés ont dit encore une fois s'engager à protéger l'environnement. Et ils ont souscrit des assurances pour le personnel. Je pense que les institutions habilitées, l'OBM, l'OBPAE, l'administration provinciale et communale, nous suivons de près ce côté qui est toujours difficile. Là où il y a de l'exploitation des minerais, il y a toujours des problèmes environnementaux. Nous suivons de près et les coopératives que nous allons marquer que vraiment elles travaillent sans se soucier de l'environnement, on ne manquera pas de les arrêter. Anicien Daizeye, gouverneur de la province de Kayanza. Et le mouvement du bétail d'Ongozi vers Muyinga est interdit. Le directeur provincial du bureau en charge de l'agriculture, élevage et environnement à Muyinga précise que c'est pour éviter que se propage dans cette province une maladie déclarée dans la province voisine qui a emporté beaucoup de chèvres et moutons. Dieudonné Nzeyimana. Deux communes de la province Muyinga, Kashore et Gasogwe, sont frontalières à la province Ngozi. Près de la commune Tangara, où des centaines de chèvres et moutons ont été dévastés par une maladie. Roger Sendegeya, directeur du bureau provincial en charge de l'environnement, agriculture et élevage en province Muyinga, annonce que pour éviter que des bêtes non abattues en Ngozi soient vendues à Muyinga et propager la maladie, le mouvement du bétail est interdit de Ngozi vers Muyinga. Les marchés des ovins et qu'après est fermé momentanément. La peste des petits ruminants et la maladie redoutée des petits ruminants qui ont été vaccinés contre cette maladie à des reprises en province Muyinga. Les services en charge de l'élevage indiquent que malgré le vaccin, il faut toujours être vigilant. La direction provinciale de l'agriculture, élevage et environnement en appelle à cet effet aux agro-éleveurs à s'habituer à la stabilisation permanente. Garder les animaux en étable est une stratégie sûre de réduire les risques de contagion des maladies de Muyinga. Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné Nzeyimana. Et en actualité internationale, un opposant rwandais a été abattu au Cap, c'est en Afrique du Sud. Il s'appelle Camille Nkurunziza, un ancien garde du corps du président rwandais Paul Kagame, a été abattu jeudi après-midi 30 mai dans la ville de Cape Town en Afrique du Sud. Nkurunziza était devenu un opposant au chef de l'État rwandais. Il vivait en exil depuis près de 20 ans. Il a été tué dans sa voiture, mais les détails sont encore flous. Il était devenu simple chauffeur de taxi et selon les premières informations de la police, le véhicule dans lequel il se trouvait venait d'être braqué. La police a pris le véhicule en chasse. S'en est suivi un échange de tirs. Deux personnes sont décédées, donc, dont Camille Nkurunziza. Et la finale de la Ligue des champions européennes est prévue ce samedi à 21h en Espagne, au stade Metropolitano. Ce sont les équipes britanniques qui jouent dans le championnat en Premier League qui vont croiser le fer, à savoir Liverpool et Tottenham. Liverpool avait éliminé FC Barcelone lors de la demi-finale sur un score de 4-0 et Tottenham avait battu 3-1 la formation hollandaise Ajax d'Amsterdam. Ce match sera retransmis en direct sur les ondes de Radio Isanganiro que vous êtes en train de suivre maintenant. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, vous allez suivre la revue de presse. Mireille Kanyangé me rejoint dans ce studio. Sangani no. Revue de la presse. C'est la revue de presse, comme je venais de vous l'annoncer après le journal. La question foncière reste explosive. Ce titre de l'éditorial du journal Uachu, et qui sonne comme une alerte, évoque une vidéo de la descente sur terrain du secrétaire général du parti au pouvoir avec le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, qui vient de faire la une des réseaux sociaux. Selon le secrétaire général, les propriétés foncières, tout comme les minerais, sont une richesse commune à tous les Burundais. La question est plus complexe pour ce confrère qui fait remarquer qu'il y a des citoyens burundais qui ont bénéficié des propriétés par amphithéose et que dans ce cas, la faute reviendrait au gouvernement qui édicte des lois et non aux citoyens qui ne peut pas être servi en dehors de la loi. Par ailleurs, ces propos ne sont pas de nature à rassurer les investisseurs qui peuvent avoir besoin d'une propriété foncière pour installer leurs infrastructures. Eh bien, dans son message, rappelle Iwachu, le secrétaire général du parti au pouvoir annonce une politique de redistribution des terres pour que toute propriété soit exploitée. Le risque de spoliation est évoqué. En tout état de cause, la gestion de cette ressource vitale devrait être traitée avec précaution et surtout pas que des spéculations politiciennes s'y invitent, conclut l'éditorialiste du journal Iwachu. À l'origine des échecs scolaires, au poste fondamental, une mauvaise orientation, note la voix de l'enseignant. D'après ce confrère, ces enseignants pensent que la mauvaise orientation ou le mauvais choix serait l'une des principales causes des échecs de la plupart des élèves du cycle poste fondamental, principalement ceux des lycées communaux et municipaux. Il demande au ministère de l'Éducation, de la Formation technique et professionnelle de mettre sur pied des critères objectifs d'orientation et de les faire respecter. La voix de l'enseignant a écrit que ces enseignants ne comprennent pas pourquoi ils ne sont plus associés dans le choix de l'orientation scolaire des élèves comme il l'était d'usage dans le temps. Il propose la mise en place au sein de tout établissement d'un conseil d'orientation, dont le rôle serait d'orienter les élèves finalistes du cycle fondamental selon leurs capacités ou dispositions intellectuelles. La Cour des comptes appelle au respect de la loi, rapporte Burundi Echo. L'exécution du budget pour l'exercice 2018-2019 a été émaillée de nombreuses irrégularités, constate la Cour des comptes. Cette institution déplore une violation flagrante de la loi régissant les finances publiques. Certaines rubriques dépassent largement le seuil de 10% pour atteindre plus de 1000%, rapporte Burundi Echo, tel que repris par ce journal spécialisé dans les questions économiques lors du contrôle de l'exécution du budget du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Exercice 2017, la Cour des comptes a relevé de nombreuses irrégularités dans la gestion budgétaire. Ce sont notamment la non-transparence dans la procédure de recrutement des 449 nouveaux employés. Le crédit de rémunération des salariés a été exécuté avec un dépassement de 8,1%. De plus, le montant de plus de 45 millions de francs burundais prévu par la loi des finances 2017 pour faire face aux dépenses relatives aux frais de formation du personnel a été uniquement déboursé lors d'émission. D'après toujours Burundi Echo, citant la Cour des comptes, la Cour a constaté un écart de plus de 250 millions de francs burundais entre les paiements renseignés par la classification administrative des dépenses et se trouver sur les pièces justificatives des dépenses. Et le Renouveau rapporte un atelier organisé par l'Association burundaise pour le bien-être familial à Boubef sur l'infertilité et la planification familiale. Il s'agissait d'un atelier de sensibilisation des administratifs, des leaders religieux et d'autres parties prenantes des provinces Bujumbura, Bujumbura-Mairie, Bubanza, Cibitoke, Muramvya. Selon les témoignages recueillis écrits au quotidien, les femmes sont blâmées pour l'infertilité alors que celle-ci touche aussi les hommes. Selon ce confrère, la coordinatrice de la BUBEF a suggéré la mise en place d'un centre de consultation et de prise en charge de l'infertilité au niveau national. Et pour terminer, l'agence burundaise de presse, quant à elle, parle des conséquences néfastes liées à l'adultère et au concubinage en province Bubanza. La BP rapporte le cas d'une fille qui a décidé d'avorter d'une grossesse non désirée de 8 mois, aidée par sa mère dans cette entreprise. Selon son confrère, les autorités administratives communales de Bubanza déplorent que ni cette fille ni sa mère n'ont été sanctionnées conformément à la loi, alors que le garçon présumé auteur de la grossesse croupit seul en prison. Ainsi se referme cette revue de presse et merci de votre fidélité au programme de la radio Isanganiro. À la prochaine. Revue de la presse.